Alléluia, Alléluia, mon con. Alléluia, Alléluia, mon con. Le Seigneur est entré dans ta maison, mais tu étais sous la douche. Alléluia, Alléluia, mon con. Alléluia, Alléluia, mon con. Alléluia, mon con.